No, no están prendidas estas weas. No, no están prendidas estas weas. Están en un switch. ¿Cómo prendí esto? Néstor. Pásame el vacío. No, no los tiene, weón. A darle a. No, no están prendidos. No, no están funcionando. ¿Los necesitan? Que yo cuando hablo se escucha en Santiago, weón. Como las cosas igual, pero no los veo ya. ¿Sí? Sí. ¿Qué no? Ah, me funcionó la misma. Ah, bien, lo cambiamos. Lo vamos pasando. Te lo paso. Ahí pasa. ¿Ese funciona? Sí, ese funciona. Sácalo nomás porque como lo hago como lo hago como Julio Iglesias. Tiene lo mismo. Este no funciona. Bonsoir, merci beaucoup de te venir, pour écouter simplement. Cette initiative est d'essayer d'unir les inquiétudes, les luttes que s'est fait une espèce de fonds d'information ici à Paris, sur différentes luttes que s'est battu au Chili, qui sont un peu silencieuse et qu'on n'arrive pas à nous informer de tout ce qui se passe dans les pays. Il y a beaucoup de mouvements sociaux qui bougent, soit syndicaux, soit des environnementales, mouvements de pêcheurs, etc. Donc cette première initiative, cette initiative cherche un petit peu profiter de la présence de Victor de la Fuente, qui est directeur de l'édition chilienne de Mundo Diplomatique, et de l'éditorial Aún Creemos en los Sueños, et qui participera pour nous donner sa vision, son expérience quotidienne de cette situation de lutte au Chili d'étudiants et sociales. Après, Rodrigo Olavarri, responsable du programme de la Fondation France et Liberté, nous parlera un petit peu de la situation assez difficile et conflictuelle qui, en ce moment-là, entend faire face à une population de 2000 personnes dans le nord du Chili, à 200 km de Santiago, sur le conflit minier. Il nous parlera du problème des Caïmanes. Et après, on aura la troisième intervenante, c'est Elif Caramarta, documentariste et coordinatrice des ateliers droit à l'eau du Forum Alternatif Mondial de l'eau qui a eu lieu à Marseille à peu près il y a 90 jours. Bon, donc on commencera à en donner la parole à Victor Hugo de la Fuente pour commencer cette soirée. Bonjour, bonsoir. Oui, on m'a demandé de parler des mouvements étudiants et des mouvements sociaux au Chili. Et il faudra dire que l'année dernière, 2011, avec les mouvements étudiants, le Chili a vraiment eu un changement important dans la société. Et on peut dire peut-être que pendant 20 ans, et la société chilienne était presque endormie. Et elle avait accepté d'une certaine façon, on l'a fait accepter, le modèle néolibéral. Et pour cela, il faut aussi aller peut-être 30 secondes en arrière, parce que la dictature de Pinochet, qui a été tellement longue, n'est pas tombée. Il y a eu un accord de transition. Et la dictature a laissé tout un système installé avec la constitution, un système d'élection, mais surtout un modèle économique. Et ça, à différence d'autres pays d'Amérique latine où les dictatures sont tombées, où les juntes militaires ont été jugées, au Chili, il ne s'est rien passé de ça. Il y a eu un accord et c'était une transition qui, à mon avis, ne finit pas encore, puisqu'il n'y a pas une vraie démocratie et il y a la constitution de Pinochet encore. C'est vrai que c'est difficile de dire où est-ce qu'il y a une vraie démocratie, mais au moins qu'il n'y aurait pas la constitution de Pinochet, au moins une constitution qui soit débattue. Il y a tout un mouvement pour une nouvelle constitution et une assemblée constituante au Chili. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette transition a été, on peut l'appeler la transition de consensus. Et les gouvernements, la concertation, qui avaient pris les gouvernements, les gens ont voté, avaient une certaine légitimité, puisque c'était le mouvement politique qui a apparu lié au plébiscite, à l'option non et au changement. Donc, quand le gouvernement arrive, les luttes ont été très difficiles d'être menées parce que c'était contre un gouvernement que les gens avaient voté pour. Et la première chose qu'on faisait, c'est dire oui, avant il y avait la dictature, maintenant il y a ça, ça c'est beaucoup mieux que la dictature. Et c'est évident. La démocratie, même qui n'est pas parfaite, elle est beaucoup mieux que la dictature. Donc il y a eu une période assez compliquée. Et le gouvernement de la concertation a fait quelques changements, a fait quelques politiques sociales, il y a eu moins de misère, quelques avancements en droits de l'homme, surtout après, pas les premières années, mais tout a été fait avec une phrase du président Aylwin, dans la mesure du possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'idée de forcer une situation. On disait, bon, on va faire ça, mais en accord avec les militaires qui ne nous fassent de nouveau pas un nouveau coup d'État, avec la droite, et comme le système électoral au Chili fait, c'est binominal, on choisit deux députés et deux sénateurs dans chaque circonscription, avec un système qu'avec 35%, on a un. Donc, dans toutes les circonscriptions, il y a un de droite et un de la concertation. Et c'est presque impossible pour une minorité d'avoir un député. Donc, le système était comme ça, et ce gouvernement, au fond, la concertation a continué à administrer le modèle néolibéral. Les mouvements sociaux ont existé, évidemment. Quand on dit endormi, ce n'est pas vrai complètement. Il y a eu des luttes, tout le temps il y a eu des luttes. Mais les luttes ont été sectorielles, la lucha de Mapuche, il y a eu les Mapuche, il y a eu les étudiants, plusieurs fois, les lycéens, et il y a eu des luttes des écologistes, il y a eu des luttes régionales, il y a eu des luttes de grève des travailleurs, surtout des travailleurs de la fonction publique, la santé, les profs, mais le mouvement syndical est très faible, et ces luttes n'ont pas vraiment eu un poids important. Les réseaux sociaux ont été complètement détruits pendant la période de la concertation et les dirigeants ont été même cooptés pour les mairies, pour les institutions. Donc, quand la concertation commence à s'affaiblir les dernières années et perd le gouvernement, il apparaît une nouvelle situation. Un gouvernement de droite avec Piñera à la tête. Et ça change complètement. Parce que même les plus radicaux qui pensent que c'est presque la même chose, en fait, c'est pas la même chose à voir les propriétaires, les grands propriétaires, tous les ministres de l'éducation étaient les propriétaires de l'Université del Desarrollo, les ministres de la Santé étaient les propriétaires de la clinique Las Condes, et comme ça. Donc, on voit Piñera, les grands spéculateurs, les ministres, on voit un gouvernement de droite, et voilà, l'ennemi est beaucoup plus clair. Et à cela s'ajoute beaucoup de temps d'injustice, une accumulation d'injustice. Et pour les étudiants, c'est l'accumulation de l'endettement. L'éducation est complètement privatisée, comme vous savez, elle est toute payante. C'est le seul pays en Amérique latine où il n'y a pas une université gratuite. Donc, c'est une situation que même on avait, c'est pour ça que je disais avant, on a convaincu la société que c'est comme ça, qu'il n'y a rien à faire. Et même les étudiants ne mettaient pas en question ça au début. Même les mouvements étudiants, ça commençait pour demander qu'ils descendent les taux de crédit. Mais le mouvement étudiant a éclaté avec une force inouïe. Et ça a été massive, créative, et s'est politisé dans le bon sens du mot, et dans des mois. Et quand, quand il demandait la fin des lucres, les bénéfices dans l'éducation, et le gouvernement disait que ce n'est pas possible parce que la Constitution dit qu'il y a la liberté d'enseignement. Et les étudiants disaient, mais changeons la Constitution, faisons un plébiscite. Après, le gouvernement disait, on n'a pas l'argent pour payer une éducation gratuite. Bah, nationalisons le cuivre. Et comme cela, le mouvement a pris une ampleur énorme avec un soutien qui est arrivé à 80% de la population qui soutenait le mouvement étudiant. Et le mouvement étudiant, en fait, cognait le cœur du système néolibéral. Et c'est pour cela qu'il y a eu un changement au Chili. Avant, ces sujets-là n'étaient pas en discussion. Et aujourd'hui, c'est des sujets de débat. Tous les changements de système politique, les changements de système électoral, la nouvelle constitution, etc. Et il faut dire que les mouvements sociaux ont été tout de suite ont soutenu les mouvements étudiants. Même plus, parce que par exemple, Hydro-Aïssen, c'était la première grande manifestation contre les barrages et qui a rassemblé, mais d'une façon très spontanée, les jours où a été approuvé un des projets, 30 000 personnes. Et après, ces mouvements se sont liés, les mouvements étudiants étaient dans la rue, et dans la rue, il y avait les écologistes, il y avait aussi les Mapuches, les drapeaux Mapuches, les gens qui soutenaient les Mapuches, mais toutes les luttes ont commencé à être présentes et liées au mouvement étudiant. Et je pense que ces changements et dans la situation du pays est vraiment important. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il est né une autre façon de faire de la politique. Parce que le mouvement étudiant est très indépendant des partis. Même si quelques leaders, même Camila Vallejo, qui est la leader la plus connue, qui est de la jeunesse communiste, et quelques autres dirigeants sont militants des partis, mais 90% des mouvements, des dirigeants, ne sont pas liés aux partis politiques. Et peut-être, pareille situation, 90-95% des étudiants qui sont dans la rue, ils ne veulent rien savoir du mouvement des partis politiques. Et ça, c'est un côté qui est intéressant, qui à mon avis est bien, et un côté qui est mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui une mobilisation énorme dans les pays, mais il n'y a pas une alternative politique capable de faire face aux prochaines élections, par exemple. Mais il faut dire qu'entre-temps, il y a eu quelques mouvements qui sont importants, surtout des mouvements régionaux. Magallanes, il y a un an et quelques, et dernièrement, et bon, le dernier c'est Freirina, mais dernièrement, et le plus important était Aysén. Aysén, au mois de février, pendant 40 jours, toute la population d'Aysén était dans la lutte. Ils ont fait un mouvement, à mon avis, le plus avancé des mouvements sociaux, parce qu'ils ont fait un travail, une méthodologie vraiment de base. Ils ont lié toutes les luttes. Ils se sont rassemblés dans une messe sociale et il y a eu la chambre de commerce, les étudiants, les syndicats, les taxistes, les transporteurs, etc., etc. Et ils ont fait 11 points. Ils se sont mis d'accord pour lutter pour 11 points. Et même, par exemple, les gens qui étaient pour Patagonia sin represas, Patagonia sans barrage, ils ont proposé que ces points soient un des 11 points de lutte. Et il y a eu des gens qui n'ont pas voulu. Et eux, à mon avis, d'une façon vraiment très très bien réfléchie, ils ont dit, d'accord, qu'il ne soit pas un point de lutte ensemble, puisque nous, on veut que tout soit ensemble, tous les points. Et on demande simplement que quand il y aura à choisir, que les gens de la Patagonie soient consultés sur le sujet. Et ça, c'est intégré dans les 11 points. Mais ça, c'est pour dire que c'est un mouvement unitaire, vraiment, des bases avec de nouveaux leaders comme Ivan Fuentes, qui est un pêcheur, qui parle plus que de, d'un point de vue politique traditionnel d'un parti qui parle de, du mouvement. Et c'est un mouvement fort dans la lutte. Mais surtout, ils ont réussi à sortir la lutte du corporativisme. Parce que le grand mot d'ordre, c'était « tout problème est mi problème ». Ton problème, c'est mon problème. Et il disait, et ta lutte, c'est ma lutte. Et tous les gens sont, se sont mis à couper les ponts, même dans les petits villages. Et ils ont été pendant 40 jours, comme on dit, ceux qui administraient le territoire. Ils savaient quand on pouvait laisser passer, quand non, etc. Les gouvernements ont répondu d'une façon incroyablement forte, la répression, ils ont envoyé des flics, les forces spéciales, les forces spéciales des carabiniers, qui ont été très agressifs. Mais les gens là-bas ont combattu, mais d'une façon vraiment exemplaire. Même ils ont pris les commissariats pendant une heure. Et il n'y a pas eu de problème, parce qu'au fond, les flics qui étaient là, du quartier, les soutenaient. Et ils ont fait plein, mais plein de choses. Et ce mouvement-là a obtenu un succès complet. Ils ont obtenu les 11 points qu'ils demandaient. Alors, maintenant, ils sont en train de voir jusqu'où, parce qu'on leur disait oui, et après, oui, mais, ce qu'on appelle la petite lettre, la lettre chic des accords, où on discute. Mais ils ont obtenu vraiment tout. Et c'était avec une lutte très forte et avec une flexibilisation aussi de la négociation. Parce qu'ils disaient, nous, notre problème, ce n'est pas de vaincre les gouvernements et dans des petites choses, que si la réunion l'a fait ici ou là-bas. Le problème, ce n'est pas ça, le problème, c'est obtenir tous les points. Et vraiment, je crois que c'est un exemple très, très important. Et comme ça, il y a eu beaucoup de mouvements. Mais pour finir, il faudra dire que les étudiants, ils sont en train de reprendre la lutte. Ils ont un grand problème parce que la plupart des étudiants ne veulent pas perdre beaucoup de cours. L'année dernière, ils ont perdu beaucoup de cours. Donc, ils ne veulent pas perdre de classe. Ils cherchent tous la façon de continuer la lutte, qu'on ne peut pas la répéter exactement ce qu'on a fait l'année dernière, occuper les locaux, etc., ou faire des manifs tous les 3 jours qu'ils faisaient. Donc, ils sont en train d'imaginer de nouvelles formes. Ils sont en train de se lier aux mouvements sociaux qui existent. Mais il faut dire que, je disais, il n'y a pas l'alternative politique. Et ça, c'est parce que ces mouvements, c'est vraiment un mouvement, la plupart, c'est un mouvement qui est implanté dans chaque endroit. Par exemple, l'Université de la Catholique, il a un mouvement. Et l'Université de Valparaíso, il a un autre mouvement, un collectif différent. Et comme ça, dans chaque université, il y a un collectif différent, propre des étudiants de cette région-là. Il n'y a pas un mouvement qu'on puisse dire politique qui gère ou qui administre ou qui lie ou qui contacte l'ensemble du mouvement. Et chacun de ces collectifs pense qu'il faut faire une lutte politique. Ils ne veulent pas rester dans les mouvements étudiants, mais ils sont encore dans le processus de chercher quelle politique, comment faire, comment se situer. Donc ils sont plutôt dans les moments de dire qu'est-ce qu'on fait, quel est notre programme, quelle est notre identité. Et le processus suivant, de s'unir à d'autres et faire un grand mouvement, c'est encore un peu loin. Donc on est dans une situation qui est incroyable. Plus de 60% de la population ne veut pas voter ni pour la droite ni pour la concertation. Mais il n'y a pas une troisième alternative possible due à cette situation de mouvement social et due aussi au système électoral. Donc on est, je ne sais pas quel classique du marxisme, c'est on est dans les moments où le vieux système est en train de tomber, mais il ne meurt pas encore, et le nouveau est en train de naître, mais il n'est pas encore né. Et je crois qu'au Chili, il y a de grands espoirs, et comme on a vu avec les rébellions arabes, etc., il y a un moment où ça éclate. Et j'espère que ça va éclater et qu'il y aura un mouvement fort, différent, une alternative vraiment populaire. Merci. la tapa. On passe sur les questions pour la fin. Il y a trois thèmes. Non, mais c'est tout est mélangé. Mais. 10 minutos de pregunta al tiro o lo dejamos para el final. Como quieran. Voilà, si quieren hacemos el final todo. Vous voulez proposer la parole quelques minutes pour pouvoir un petit peu donner la possibilité de répondre à vos inquiétudes. Bon. Yeah. Oui. Il y a une omission dans le cabinet Pinochet. Aujourd'hui, ils ont fait un nouvel police politique qui s'appelait l'officine. Ils sont menacés de compagnes. Ils sont tués de compagnes au sud de Chili. Ils ont menacé tous les prisonniers politiques qu'il y avait de Pinochet. Ah, ils ont retracé tout le mouvement parce qu'il y avait des compagnes, des partis communistes, partis socialistes, militants, de toutes les forces de gauche et de droite dans l'officine. Ils ont retracé tout le mouvement politique chilien parce que tout le monde y avait confiance en personne. Et c'est ça, soumise là. Je crois que c'est très important quand on analyse l'histoire de Appé Pinochet. Hein, la concertation, il a fait ça. Hein, il a menacé les compagnies, il a tué les compagnies. Hein, et ça, c'est pas là. Chilling qui a venu de. Comment ça s'appelle? De ambassadeur en la France. Nous, on était en face de lui pour les faire sortir. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont fait tuer, se sont menacées dans la prison. Hein. Et c'est pour ça que je parle de ça. Pourquoi le mouvement chilien ne voulait pas faire, parce que la concertation a fait ça. Hein? Il avait la nouvelle police politique, ça se dénonce pas dans les clics là. La autre chose, le mouvement, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand j'ai discuté avec des copines qui étaient à la prison quand elle a trouvé Pinochet, ils me sont dit, pourquoi on va voter maintenant si on ne croit pas à la concertation? Je lui ai dit, ne va pas voter, je lui ai dit. Parce que c'est mieux connaître l'ennemi qu'il ne connaître pas. La concertation, c'est l'ennemi du peuple. Les Mapuches qui étaient à la prison, qu'est-ce qu'il a mis? Hein, c'est Madame Bachelet et toute la concertation. Hein, les Mapuches qui nous allaient à en face de l'ambassade à réclamer pour les Mapuches, c'est la concertation qu'il a mis, qui encore ils sont à la prison, c'est la concertation qu'il a mis à la prison. Vous me parlez de la concertation. C'est pour ça que la gente ne croit pas. Hein, à cette force de gauche au Chili. Moi, j'ai été 10 ans de dictature. J'ai connu la dictature. Hein, j'étais clandestin 3 ans dans mon pays. Hein, persécuté tout ça. Et nous, je n'acceptais pas les trucs que vous ne parlez pas de la nouvelle police politique et de la concertation qui s'est passée, qui s'est appelée la pacification au Chili. Tu n'as pas une question précise sur le. Oui, si, monsieur, oui, oui. Pourquoi il omite l'officine dans le résumé de la. J'ai une liste comme ça, j'ai une énorme liste de soumissions que j'ai fait. Parce qu'en fait, je voulais parler du mouvement et j'ai donné quelques opinions, mais je vais vous répondre. Et la concertation, évidemment, l'officine a arrêté beaucoup de gens. À payer d'autres pour qu'ils dénoncent, et il y a eu des gens tués, et il y a encore des camarades qui sont en prison, et du temps de la dictature et de juste après la dictature. Mais je pense que ce n'est pas la caractéristique principale de la concertation. Plutôt, elle a réussi à avoir dans la société chilienne l'idée que ce n'était pas possible autre chose. Et je crois que le néolibéralisme au Chili, implanté par la dictature et administré après par la concertation, est rentré dans la tête des gens. Et ça, à mon avis, c'est plus grave. Parce que c'est rentré pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est ça qui est en train de tomber au Chili. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important. Et sur les élections, là, il y a un débat très intéressant. Parce que le sujet des élections, ce n'est pas un sujet de principe. On peut participer à une élection ou pas participer. Ça dépend du régime, du système, la situation, etc. Et au Chili, aujourd'hui, il y a un débat assez important. Il y a des gens qui disent on ne va pas voter. On ne va pas voter et on espère qu'on sera beaucoup à ne pas voter. Bon. Avec l'espoir que ça casse un peu le système. Le problème avec ça, c'est que les candidats seront élus avec les gens qui votent, même s'ils votent très peu. Sauf qu'il soit un truc vraiment massif. Qui ça, je ne sais pas, plus de la moitié ou deux tiers ne votent pas. Mais s'il y a une abstention très grande, même 40%, les députés, les sénateurs seront élus, les présidents seront élus avec, et on va continuer comme ça. Et je pense que ça, c'est le grand danger dans les prochaines élections. Mais la plupart des mouvements sociaux ne veulent pas participer dans les élections. Et même dans les élections qui sont là, et qui sont les élections des alcaldes, des maires et des conseillers municipaux. Et là, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a des gens de mouvements sociaux qui sont candidats pour être conseillers dans telle commune, dans telle autre, qui ont lutté avec les gens, etc. Là, c'est encore plus compliqué de dire est-ce qu'il faut soutenir ces gens-là ou est-ce qu'il ne faut pas. Et il y a des mouvements, l'Assemblée citoyenne de Copiapó, elle s'est divisée en deux parce que beaucoup de gens de l'Assemblée ne voulaient pas que quelqu'un qui est socialiste aille des candidats. Et c'est un grand problème parce qu'en ce moment-là, les élections sont en train de diviser les mouvements plus qu'avoir une alternative. Pourquoi ? Parce que l'alternative politique, c'est ce qu'il disait, de gauche, vrai, etc., n'existe pas. Elle est éparpillée, il y a beaucoup de mouvements. Et dans ces mouvements, il y a des mouvements qui veulent participer aux élections, comme le parti Walda, par exemple, c'est un parti qui dirige plusieurs personnes, mais entre autres, Ivan Carrasco, qui est le fils de José Carrasco, de la revista Analysis, que c'est quelqu'un vraiment lié au peuple, qui sont dans les luttes, etc. Et ils pensent qu'il faut aller dans les élections et qu'il faut essayer de les gagner. Mais ils sont un petit groupe. D'autres petits groupes comme ça pensent que non. D'autres pensent qu'il faut faire des accords avec la Concertation, comme le Parti communiste, pour obtenir quelques députés, etc. Donc c'est un problème assez complexe auquel on est confronté aujourd'hui. Il y a une autre question qu'on pourrait expliquer à Victor de la Fuente. Mais sinon, on peut faire à la fin, tous les deux, c'est bien, non? Voilà. Ok. Que alors, c'est tout de suite. Maintenant, on va donner la parole à Rodrigo de Maria, responsable du programme de la Fondation France et Liberté. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc là, dans ces cadres des mouvements sociaux, et il y en a un grand nombre, qui ce sont des mouvements aussi qui sont issus des conflits qu'on pourrait appeler des conflits du modèle. Car le Chili, mais pas seulement le Chili, aussi d'autres pays en Amérique latine, ont établi leur système des productions, leur système de croissance, et à partir de l'exploitation des matières premières. Donc là, à l'occurrence, pour le Chili, ce sont les minerais, hein, c'est aussi l'industrie forestière, c'est aussi les saumons. Donc il y a un système de production qui est à outrance. Là, je vais vous parler d'un cas emblématique, qui est devenu emblématique aujourd'hui, qui est le cas des Caimanes, de la communauté des Caimanes, qui se trouve dans la 4e région, sur le bassin versant qui s'appelle la vallée qui amène vers Los Vilos, hein, donc le Puerto Punta Chungo qu'on voit sur la carte. Et donc c'est un conflit, comme je disais, qui est complètement symbolique parce que ces conflits-là, on les voit un peu ailleurs dans le pays. Mais on va s'arrêter maintenant à ces cas-là précis. Donc vous voyez là, tout près de la frontière avec l'Argentine, se trouve la minera Los Pelambres. Donc cette minera-là est une mine qui sort du cuivre, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est une entreprise minière qui se sert d'une eau de haute qualité. Il faut savoir qu'il occupe la source là où l'eau se produit, où la nature produit cette eau-là. Et cette eau, et comme vous voyez avec les tuyaux bleus, elle est aussi cheminée vers la mer où elle est déversée dans la baie de Puerto Chungo, donc la baie de Los Vilos. Mais si c'était que ça, on pourrait parler aussi du ducto, hein, donc le tuyau qui amène tous les déchets au sud, au Chili et en Valdivia. Hein, vous connaissez un ducto d'une forestière qui est justement et fait un peu la même chose. Mais là, il y a aussi une autre réalité, c'est qu'ils sont construits un dépotoir, un bassin des déchets toxiques qui est aujourd'hui les bassins les plus importants en Amérique latine. C'est un bassin de déchets toxiques à ciel ouvert. Et ça a été mis dans une partie, comme vous voyez ici, et en rouge, hein, où il y a la flèche, hein, qui s'appelle une zone qui s'appelait El Mauro. On peut dire s'appeler parce qu'ils ont détruit complètement l'environnement. Donc c'était un micro bassin versant où s'est produisait justement une source d'eau qui alimentait une ville qui s'est trouvée un tout petit peu plus bas, qui était Caimanes. Donc la différence, hein, les décalages qui existent entre le barrage des Caimanes et pardon d'El Mauro et Caimanes, c'est à peu près 10 km. Donc, mais à qui appartient cette entreprise minière? Donc un des groupes économiques qui est le plus important au Chili. Donc c'est le groupe Luxic, avec la famille Luxic à la tête. Ils sont propriétaires entre autres des Canal 13, que vous connaissez, les Chinois connaissent tous, mais qui est une des grosses chaînes de télévision privées au Chili, qui appartenait à l'Université catholique. Et il est aussi propriétaire de plusieurs mines, dont Antofagasta Mineral, mais aussi de l'entreprise qui gère l'eau de la ville d'Antofagasta, par exemple. Il est propriétaire de la CCU, qui est celle qui fait notre fameuse Pilsen, hein, cristal. Donc toutes les boissons sont produites aussi, c'est secteur d'activité. Ils ont acheté en 2011 la concession de Shell au Chili, et sont propriétaires du Banco de Chile, et bien entendu de la Minera Los Pelambres. Donc c'est une des richesses, et c'est un des groupes les plus riches selon la revue Forbes, et je crois qu'ils sont situés au niveau 44 au niveau mondial en tant que groupe économique. Donc, et puis bien sûr cette richesse-là, parce que l'accumulation de la richesse économique et monétaire génère aussi la multiplication de cette richesse-là, hein, par un effet presque boomerang, et notamment dans un système néolibéral, celui qui a la propriété et puis qui a l'exploitation, etc., a les garanties de pouvoir obtenir encore plus de bénéfices et s'accroître. Donc pour qu'on puisse se situer un peu, parce que là on parle d'une ville et qui se trouve ailleurs, au Chili, avec un bassin dont on parle, mais là vous avez une petite mesure. Donc là c'est El Mauro en rouge, hein, c'est la taille à laquelle s'élèvent les barrages, donc le mur de contention, qui est fait en sable compressé. C'est même pas fait en béton, c'est du sable compressé, qui a presque la même hauteur que la tour Eiffel, et qui est un genre, donc, un danger qui quand même est assez impressionnant. Alors, on va voir là par-dessus à quoi ça s'accommode à peu près par rapport à la carte parisienne. Donc, c'est le El Mauro et le bassin, et à peu près de la taille de Paris, un tube, je vais dire, trois quarts de Paris. Et on va dire que Caimanes, la ville, se trouve à Rueil-Malmaison, donc à peu près 10 km à vol d'oiseau. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, donc cette entreprise minière, vous avez une entreprise minière, a besoin d'énormes quantités d'eau pour pouvoir et produire, sortir les minerais. Et mais cette eau-là, quand l'entreprise se trouve à proximité de la source, et c'est une eau de haute qualité. Cette eau-là est traitée, bien entendu, par un nombre incalculable de chimiques et des produits cancérigènes, entre autres. Et cette eau est traitée moyennement et envoyée, soit on a vu par les ducts et par les tuyaux qui amènent directement sur la baie de Los Vilos, où il est gardé dans ces bassins qui s'appellent El Mauro. Alors, bien sûr, la capacité de production de l'entreprise est tellement élevée qu'ils ont besoin absolument d'ouvrir d'autres bassins. Donc il y a aujourd'hui 4 autres bassins qui sont prévus, dont un qui se trouve à moins d'un kilomètre de la ville de Caimanes. Donc, Mais qu'est-ce que ça génère? Parce que là, on est dans une situation où la priorité nationale, c'est l'exploitation des ressources naturelles pour pouvoir faire croître le PIB, le produit intérieur brut, donc la croissance, on parlait de beaucoup de croissance, donc c'est l'intérêt national. Mais au niveau de l'intérêt local, bien régionalisé, et on voit bien, on peut constater que tel développement n'est pas arrivé. Aujourd'hui, sur les 2000 personnes qui habitent dans cette région-là, dans cette zone-là, et la plupart, on va dire, on calcule à une centaine des personnes qui ont bénéficié directement de cette entreprise, et tous les restes ont été abandonnés et laissés complètement à leur compte, et notamment dans la question de l'approvisionnement en eau. Car aujourd'hui, l'eau, il y a eu énormément d'études qui ont été faites par les collèges médicaux de Chile, et qui ont montré que sur les 14 indicateurs qui sont utilisés pour mesurer la qualité de l'eau pour la potabilité, on se rend compte que 11 de ces indicateurs-là sont vraiment très très très élevés, dont en termes de sélénium, mercure, ammoniac, magnésium, fer, cuivre, molybdène, etc., etc. Tous des composantes et chimiques qui sont hautement cancérigènes, produisent l'Alzheimer et génèrent énormément de... Pardon ? Voilà, ce sont des métaux lourds. Donc là, par exemple, ces petites photos que vous voyez là, c'était la source là où ils puissaient l'eau pour pouvoir, et c'était une eau d'extrêmement bonne qualité. Mais aujourd'hui, à cause des filtrations qui produit El Mauro, donc ces bassins de déchets toxiques plus grands en Amérique latine, qui bien entendu filtrent dans les nappes souterraines, et aujourd'hui on se retrouve avec tout un système où les disponibilités en eau sont inutilisables pour l'être humain. À tel point que ces tensions hydriques font que maintenant les communautés qui habitent à Caïmans doivent être approvisionnées en eau à travers des camions citernes. Donc ils ne peuvent plus boire l'eau du robinet. Vous savez qu'on dit à Nations Unies que les objectifs du millénaire ont été atteints, qu'on est à 900 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, etc. Mais ce chiffre-là est avancé en fonction de la quantité de raccordements à l'eau qui ont les personnes, c'est-à-dire la quantité de robinets qui existe. Ils disent, voilà, il y a X robinets, donc les gens ont forcément accès à l'eau potable. Là, c'est une ville qui était accordée, qui avait accès au robinet, mais qui aujourd'hui ne peut pas boire cette eau-là. C'est interdit. Alors, on est dans un contexte, comme expliquait compañero Victor, on est dans un contexte qui est assez particulier, car au Chili, les systèmes de néolibéralisation de tout, d'une société, au Chili, on n'est plus dans une économie des marchés, on est passé dans une société des marchés, où absolument tout rentre dans cette sphère-là, dont l'eau. Aujourd'hui, l'eau est contrôlée en majorité par les grands groupes économiques. Et dont, bien entendu, ceux qui vont se servir en quantité démesurée de cette ressource naturelle et qui, puisqu'ils ont le pouvoir d'achat, sont capables d'acheter justement tout ce qu'ils veulent en termes de eau et d'autres denrées qui sont issues, qui sont mises sur le marché, mais qui... voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la communauté des Caïmanes ne peut pas rentrer en concurrence dans une économie des marchés contre Pelambres, qui est une entreprise minière qui peut acheter tous les droits sans aucun problème, tandis que la communauté n'a pas les moyens, voire presque pas les moyens, pour se payer un avocat. Là, vous avez des photos récentes qui, on voit, c'était une communauté agricole, hein, il faut le signaler. Hein, une économie agricole, vivière, locale, hein, les quesos, toutes ces petites choses bonnes que nous les Chiliens on connaît qui viennent du Nord de Chico, du petit Nord. Voilà, ça c'était leur système de vie, leur économie locale. Et cette économie locale aujourd'hui est complètement détruite. Ça c'est un canal d'irrigation sec. On voit les agricultures vivières, des citrons par exemple, qu'ils produisaient pas mal. Il n'y a rien, ça ne produit plus. Et le fruit sort, mais le fruit, il n'y a pas de liquide dedans. Et la rivière Pupio, qui est la rivière qui traverse, qui passe à côté de la ville, a été... voilà, vous voyez, il est disparu. Donc 4/5 de l'eau de cette rivière-là est utilisée exclusivement par la mine, et le 1/5 qui reste est inutilisable à cause de la quantité des métaux lourds qui s'y trouvent. Mais s'il pouvait être que ça, hein, mais non. Par exemple, pour pouvoir, ça c'est, vous voyez où il y a les arbres, là c'était El Mauro, c'était ces micro-bassins, c'était un microclimat qui était construit, s'est trouvé la dernière forêt des canelos, des cannelles de Maguelin, hein, qui est une plante du Chili, qu'on trouve au Chili et en Argentine, et c'était le dernier qu'on trouvait dans cette région-là, et voilà. Tout ça a été brûlé, et par-dessus ils ont mis les bassins de déchets toxiques. Sans compter qu'il y a à peu près des 400 pétroglyphes qui ont été ensevelis par ces bassins. Mais tous ceux qui connaissent le Chili savent aussi que le Chili, c'est un pays hautement sismique. Donc là, par exemple, vous allez voir rapidement que sur le même carré où on voit Illapel, donc c'est la zone où se trouvent les bassins, et on a déjà eu des séismes à 8,8, 8,6 degrés dans l'échelle de Richter, et que le bassin El Mauro a été construit pour résister à un séisme de 8,2 degrés. Donc bien en dessous de ce que c'est la force. Alors vous pouvez imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver à ces 2000 personnes, pas seulement ces 2000 personnes, jusqu'à Los Vilos. Qu'est-ce qui pourrait arriver comme catastrophe s'il y a un séisme et que ça... Et c'est casse, ça reviente. Donc là, ce qu'on voit, c'est que, à part tout cela, ce qu'on vient de dire, le bassin a été construit sur des failles géologiques. Et que ce n'est pas simplement. Donc vous voyez les cercles ce sont les prochains bassins qui ont été identifiés par la minera Los Pelambres pour pouvoir mettre aussi des stockages des résidus toxiques à ciel ouvert. Si vous voyez, ce sont tous des lacunes naturelles ou des productions d'eau, c'est des micro-bassins. Et on est en train de tuer ces écosystèmes, parce que là, on les endommage pas, on les tue, on les détruit complètement. Résilience de l'environnement, là, il faut attendre quelques siècles peut-être. Pour qu'on ait une petite idée. Donc, il y a aussi, quand on construit un barrage quelconque, on analyse la sismicité que ces barrages-là peuvent induire sur le lieu où ça a été construit. Et on voit que il y a énormément de précautions à avoir par rapport à un barrage de 100 mètres. Mais El Mauro, les cas dont on parle, c'est 270 mètres. Donc, on peut, je l'espère pas, je le souhaite pas, mais on peut être en amont d'une catastrophe. Et si cette catastrophe arrive, vous le voyez, il se casse, donc il déverse les déchets toxiques. La communauté doit parcourir 3,5 km pour arriver à une zone vraiment de sécurité. Et les déchets toxiques, on a fait un calcul, ils pourraient prendre à peu près 5 à 10 minutes pour arriver au village, car El Mauro se trouve à 1000 mètres d'hauteur et Caimane se trouve à 400, donc il y a une pente qui est quand même assez hallucinante, et toute la force, ce peuple là disparaît. Dans les années 60 en Italie, il y a un barrage qui a cédé, il y a 20 000 personnes qui sont disparues, on les a jamais retrouvées. La force, elle est énorme, elle désintègre. Sans compter que c'est des déchets en plus toxiques, donc la pollution del Valle de Chuapa, et ça serait à jamais. Mais les communautés se mobilisent, bien sûr. On ne peut pas rester comme ça. Il y a une mobilisation, donc et Elif, elle a fait un reportage en Caimanes, donc il a interviewé, donc il a pris des témoignages, et je vous invite à écouter ces témoignages-là, parce qu'ils vont parler plus que ce que je pourrais vous dire, et par rapport à ce que c'est vivre dans la propre chair, cette difficulté. Vous voyez bien? Oui. C'est là-bas, en fond. C'est Mérite, ça vient. Ça dure 8 minutes. Non, c'est bon. Digo, ¿cómo eso, qué valor va a tener? ¿Entiendes tú el hecho de que estén peleados algunos padres con hijos, o el mismo hecho de ser hermano, personas que por su mismo trabajo, ellos ven el valor de su trabajo, el dinero, el sustento, pero no ven más allá el peligro, el riesgo que corremos acá todas las personas, ya sean por los diferentes factores o riesgos de contaminación que pueden haber en su momento? El agua se cortaron donde vivíamos nosotros, se cortaron. Antes vinieron años que llovía menos. Menos que estos años que ha llovido y ya había agua. Donde nosotros vivíamos era un arroyo de agua, no se cortaba el agua. Ahora se ha cortado por todos lados. En Tipay no hay agua, está todo cortado. Y yo creo que es el mismo daño que hicieron ellos. Ahí donde le echó agua a la, ¿cómo se llama? A la caballo, habrían cualquier pájaro, que agua no tiene más agua. Todas las aguas que salían para acá son las que están amontonadas allá. Si no hay agua, por eso no sabía dónde salían. Esa parte, esa foto que está ahí, ahí donde dicen que rellenaron con pura tierra. Esta ruta todavía está como pública, si mira, si no lo puedo en el ingreso, mira. Mira, sí. Esta es una ruta, la ruta, la de 885, mira, sale, y es pública. Esto es un mapa actualizado, es que está hasta la hacienda del Mauro como público el camino. ¿Y esto hasta la hacienda del Mauro? A ver, al lado donde está el tranquilo. No pueden ustedes ingresar allá, pues. Pero por eso te digo, pero debe de estar como pública. Si yo, mira, a lo mejor si vio los pasos, me paso de la barrera, conmigo, pero yo todavía no he pasado el límite que tiene como... Es que el límite empieza aquí, por algo está la reja, ¿me entiendes? Por algo está la reja. Son los dueños de aquí, de este pueblo. Cantidad de vehículos, cantidad de tierra que los echan, y falta poco que los atropellen, y a veces que están para abajo en hilera los vehículos de ellos, pues. No se ve tanto tráfico de aquí, de los dueños del pueblo, como los de ellos. Está haciendo a nosotros, lo está reduciendo como pueblo. Antes nosotros somos campesinos, tenemos acá, nos gusta salir al río, nos gusta andar cazando, pero ahora con esto que viene haciendo la empresa, aquí la empresa se ha comprado toda la mayoría de los fondos, ahora no se puede ir a ningún lado, nosotros no podemos salir de aquí a la calle ni prácticamente al río, y ahora el río no tiene agua. Porque Pelambre es muy astuto, ofrece facilidades para, te ofrece este mundo y el otro. Y es fácil tentarse. Es muy fácil. Y ahí es donde la gente cambia. Y ve solamente el bien común. O sea, no ve lo común, ve el propio nomás. Y eso es fuerte. Eso no, por, para un pueblo tan chico, no debería ver eso. Siempre estando bien por todos. Entonces ahí vemos un testimonio. Este documento fue realizado por el IF, entonces que está aquí, que nos va a hablar después cuando yo termine mi presentación sobre el caso. Yo he pasado francés. Donc, on était où? On était là. Donc la mobilisation, vous voyez ce qu'on a vu là, c'est des témoignages qui sont très récents, mais ça traîne depuis un moment, depuis 2005, que la communauté se mobilise. Là, on regarde une grève de la faim qui a eu lieu 80 jours, où la communauté a essayé d'alerter l'opinion publique que, de son côté, bien entendu, ne connaissait pas grand-chose à ces cas. On peut le comprendre par le fait qu'il y a une espèce de barrage communicationnel de la part de ces grands groupes qui, comme on a vu, est un des propriétaires d'une des chaînes les plus importantes au Chili. Et on peut le comprendre aussi par le fait que, comme on disait tout à l'heure, et ces gens-là, ces petits gens-là, valent rien par rapport à tout l'intérêt, l'argent et l'accumulation, et puis les richesses, hein, et l'exportation, et les marchés, ce qu'ils demandent. Et entre autres, bien entendu. Donc, ce que disait la dame tout à l'heure, hein, vous savez, il y a souvent des entreprises minières, d'ailleurs, Pelambres et Grupo Lucic le fait aussi, ils doivent tenir un cahier de charge par rapport à la responsabilité sociale, sociétale, environnementale des entreprises. Vous allez sur le site internet, ils sont un cahier, en tout cas en termes de développement durable, ces gens-là sont magnifiques. Rien à reprocher, c'est parfait. Mais ça, c'est justement, c'est un peu une arme à double tranchant pour la communauté. La dame le disait bien. C'est qu'ils proposent à des gens qui sont humbles, des gens qui n'ont pas connu des grandes richesses dans leur vie, dans un système qui est le chilien, où l'individualisme prend le dessus par rapport au collectif, hein, d'ailleurs s'inscrit dans la constitution politique chilienne, hein, c'est le droit privé est au-dessus du droit public, hein, c'est écrit à peu près comme ça, texto. Et ce qui génère justement que la responsabilité sociale des entreprises par rapport à ces cas-là est un système d'achat de la paix sociale. Mais la paix sociale s'achète à travers d'abord la division. On arrive quelque part et on donne à quelques-uns, on ne donne pas aux autres, et après on se retire. Et on laisse la communauté s'entre-déchirer. Comme ça, on règne mieux. Mais tout ceci est allé à la justice. Donc en 2006, donc ils ont commencé en 2005, ils ont présenté un recours au niveau local, ça, ils ont gagné. Là, l'entreprise minière, non, je crois qu'ils ont perdu au début, la communauté a fait appel, ils sont arrivés jusqu'à la Cour suprême, et la Cour suprême a dit aux deux parties qu'il fallait qu'ils se mettent dans un accord amiable, qu'ils négocient l'accord. Donc ils sont sortis de la Cour, hein, je schématise un peu, ils se sont mis d'accord, l'avocat et quelques représentants des Caïmanes, et avec l'entreprise minière, sur un montant de 25 millions de dollars, dont 21 millions ont été perçus par quelques personnes. Là, dit une personne, mais en réalité, c'est quelques personnes qui ont touché ces 21 millions de dollars d'indemnisation qui ont été donnés par l'entreprise minière, et 4 autres millions ont été donnés à l'avocat de la communauté des Caïmanes, hein, qui a reçu ça, et voilà, il a négocié, et puis voilà, il s'est tiré avec ces 4 millions. Mais sinon, le reste de la communauté, environ 2000 personnes, n'ont rien vu de ces dédommagements. Bien entendu, suite à cela, ils ont continué les manifestations. Et là, la chose devient grave, car, comme on le sait, ils ont continué à polluer, à détruire l'environnement, les nappes phréatiques, les conflits sociaux qui sont in crescendo, et qui d'ailleurs s'internationalisent, parce qu'on a vu les copains des Caïmanes venir ici en France. Ils étaient au Forum mondial de l'eau, Forum alternatif mondial de l'eau, où ils ont pu sensibiliser pas mal la société civile internationale. Mais Luxic et son groupe continuent à détruire en toute impunité. Aujourd'hui, les stratégies judiciaires, parce que bien sûr, la communauté, en voyant qu'il ne recevait pas d'indemnisation, qu'il n'y avait pas une solution pérenne à leurs problématiques, ils ont commencé les actions de mobilisation, dont la prise et les barrages des chemins, et en particulier, c'est la principale action qu'ils mènent, entre autres. Mais bien entendu, ils ont aussi déposé plainte et ils ont continué l'action judiciaire. Et là, retournement de l'affaire, c'est cette fois-ci l'entreprise minière qui porte plainte contre le nouvel avocat et les responsables communautaires qui ont continué l'action judiciaire en disant que c'est une association illicite. Et aujourd'hui, les avocats de l'entreprise, qui sont bien nombreux, buffets d'avocats et tout ce qu'il faut, et ils demandent 15 ans de prison pour l'avocat et 9 ans de prison pour les communautaires et les responsables communautaires pour se défendre. Donc ça a généré entre autres une campagne qu'on appelle qui avait déjà eu lieu mais que ça a rené ici, c'est défends celui qui te défend. Parce que si cette communauté est vraiment, on lui donne tort par rapport à ses demandes, ça veut dire que qui va défendre les communautés face à des Goliaths de cette taille-là? Qui va oser lever la voix face à des gens qui ont tous les pouvoirs pour pouvoir vous criminaliser? Donc à ce sujet, parce que à France Liberté, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je suis ici, on a rencontré les responsables communautaires qui sont venus, on les a rencontrés à Marseille pendant les formes alternatives, on les a rencontrés à Paris par la suite. Et on a décidé de donner un appui à cette communauté et en produisant une déclaration écrite que la présentante du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, là actuellement le mois de juin, et en faisant allusion, justement en dénonçant cette situation-là et en demandant en particulier que l'expert indépendant sur les déchets toxiques, hein, le nom est beaucoup plus long, mais vous l'aurez, car les déclarations écrites, c'est ma collègue Camille qui est juste là, qui lève le... Voilà, c'est Camille qui a les déclarations, donc vous avez les déclarations en français et en espagnol, et que justement on fait un appel à Nations Unies pour que l'expert indépendant puisse aller au Chili, constater la situation sur place et faire valoir le droit international qui, de façon très évidente, n'est pas respecté ici. Et pour finir, est-ce qu'on croit être un cas isolé, Caïmanes, voilà, ça arrive qu'à Caïmanes, c'est venu par ailleurs. Vous avez là la carte du Chili avec tous les conflits sociaux environnementaux qui existent actuellement. Ce sont des conflits qui sont en lien avec l'eau. Et vous verrez qu'il y a à peu près une quarantaine de conflits actuels, des tensions qui sont énormes et des mouvements sociaux qui éclatent un peu partout. C'est normal donc que les mouvements sociaux aujourd'hui au Chili prennent une place si importante pour un changement des paradigmes, un changement de société, car la société qui a été construite pendant les années de dictature et qui a été soutenue pendant la concertation n'est pas une société soutenable ni pour le Chili et pour nulle part ailleurs. Le modèle chilien doit finir au Chili. Merci. Bien, et on va donner la parole à notre deuxième intervenant qui nous parlera un peu de la situation de l'eau dans cette rencontre internationale qui s'est réalisée à la ville de Marseille, dans laquelle il a participé pour nous donner des belles nouvelles. Merci à tout le monde. En fait, je vais plus parler encore une fois de Caïman parce que bon, quatre personnes de Caïman sont venues au Forum Alternatif Mondial de l'eau. Donc c'est un effort de la population, des habitants qui sont venus à leurs frais. Quatre, c'est pas rien, donc c'est important. Il y avait donc Patricio Bustamante qui est archéo-astronome, qui a fait toute l'étude sur les pétroglyphes et qui a rédigé aussi l'article du Monde diplomatique et qui bouge énormément pour Caïman au Chili. Et il y avait aussi le docteur Itchernin qui a fait des analyses sur l'eau, donc à Caïman, et deux autres personnes de la communauté de Caïman, ce qui était au Forum Alternatif Mondial de l'eau. Et donc c'est grâce à leur venue qu'on a pu un petit peu les connaître, qu'ils ont aussi pu se faire connaître au Forum, et puis après à Paris. Et donc suite à ça, moi je suis partie au Chili, et donc avec ma caméra, je suis arrivée à Caïman. Et bon, ce qui a été très très fort pour moi dans ce contact, c'est qu'il y avait un besoin de témoigner. Donc j'étais à peine descendue, mais arrivée en voiture, que déjà les gens m'emmenaient, il faut filmer ça, il y a des choses à dire. Enfin, il y avait vraiment une urgence à dire. Et rompre le mur du silence qui s'est créé autour de cette communauté, puisqu'on l'a dit, ça fait 10 ans que cette communauté est en train de lutter contre un projet qui n'avait pas lieu d'être, puisque techniquement il n'était pas viable. Et malgré cela, il a donc reçu, il a été approuvé par des études d'impact environnemental au Chili. On est dans un pays très légaliste, donc les choses ne font pas comme ça. Il y a vraiment tout un processus pour que les projets soient approuvés. C'est très très long. Et donc depuis 10 ans, les gens étaient en lutte contre le projet. Et malgré cela, ce projet a pu se faire envers et contre tous, en bafouant donc les opinions des gens et au niveau technique et environnemental aussi. Donc c'est vraiment un projet qui a été approuvé politiquement. Alors face à cela, la situation que moi j'ai trouvée dans Aka Ayman, c'est une situation à la fois de sentiment d'abandon, puisque les gens ne comprennent pas comment ça peut être possible et ne savent plus quoi faire, donc d'impuissance, de lutte aussi, puisque là en fait, dans les témoignages, on voit un petit peu l'opinion des personnes, mais sinon, si vous allez sur internet, il y a aussi un autre film qui a été fait de Jean Lortis qui s'appelle Les damnés de l'eau et qui montre un peu toutes les pancartes. Hein. Ce qui surprend quand on arrive dans le village, c'est cette mobilisation qui existe, mais qui est écrite aussi. Il y a des pancartes partout dans le village. Et les habitants décrivent les conséquences de ce qu'ils vivent au quotidien et analysent aussi ce qui se passe avec la corruption, avec la division, on va en parler un petit peu, et avec des drapeaux noirs aussi, donc dans cette idée de résistance et de non-accord. Et le noir, c'est aussi le deuil, parce que c'est une communauté sacrifiée qui a été condamnée. Parce que avec ce danger, donc cette tour Eiffel qui peut déverser sur eux les déchets toxiques comme un tsunami en 5 minutes, donc c'est assez impressionnant d'être là-bas et de vivre avec cette idée que non seulement au Chili on sait qu'il y a beaucoup de tremblements de terre, bon déjà ça peut faire peur, mais alors en plus de savoir les conséquences que ça peut amener, c'est-à-dire de voir ce tsunami nous déferler dessus en 5 minutes de temps. Bon, ça fait peur tout le monde. Les gens en parlaient là-bas aussi, qu'ils ont des cauchemars à la nuit. Enfin, ça fait pas longtemps. Ce bassin a été construit en 2008. Et depuis 4 ans, en fait, il est déjà plein. Donc on est arrivé à 270 mètres de hauteur en 4 ans. C'était normalement la durée 25 ans. Normalement, cette durée aurait été atteinte à peu près autour de 25 ans. Et il y avait tellement de déchets toxiques, et en plus il y a un autre phénomène qui aurait pu être décelé s'il y avait vraiment des études techniques qui avaient été respectées, c'est comme ça a été construit à l'emplacement des nappes phréatiques, l'eau, on a l'eau qui surgit sans cesse. Peut-être on peut montrer juste quelques images de ce bassin. Apparemment c'est beau, c'est un lac, hein. On peut le mettre en plein même. Enfin, bon. Et voilà. Et donc il est immense, il fait 7 km de long, voilà, donc il ne faut mieux pas s'y baigner, mais voilà, donc c'est là en fait que sont accumulées toutes les réserves de l'eau de la communauté, en fait, puisque le bassin s'est situé à cet emplacement-là et empêche les sources de s'écouler normalement vers la communauté, où le pot d'eau qui filtre, comme disait Rodrigue tout à l'heure, elle est contaminée, donc elle est aussi dangereuse. Donc voilà, ce qui est sur la tête à 8 km du village. Et donc, je continue à voir, en 2005, il y avait encore un fleuve avec de l'eau qui a été rempli d'eau. Aujourd'hui, ce fleuve est à sec. Donc, c'est un désastre, bien sûr, pour les agriculteurs. Il y a encore des agriculteurs qui attendent les pluies, mais c'est une région assez aride. Donc, finalement, l'eau qui venait, elle provenait surtout des sources et qui provenait, en fait, de cet endroit qui était... Parce que l'endroit où a été construit ce bassin s'appelle El Mauro, qui en langue locale veut dire le lieu d'où surgissent les eaux. Enfin, c'était un lieu où il y avait beaucoup de réserves aquifères, en fait. Donc c'était vraiment un lieu où il y avait de l'eau. Et en coupant cet espace-là, donc il n'y a plus d'eau dans la communauté du tout. Voilà. Alors déjà, le manque d'eau. Ensuite, la contamination. Il y a une pancarte satirique qu'on voit arriver dans le village qui dit « Interdit de chasser lapin contaminé ». Parce que même les animaux finalement, puisque même bon, il y a de l'élevage aussi, donc ils boivent de l'eau, donc voilà. Donc il y a l'environnement qui affecte directement la santé des habitants. Mais et avec le, en plus le danger donc de ce mur qui est au-dessus de la tête. En plus de ça, donc ce village, les gens ne sont pas partis. C'est les agriculteurs, ils sont attachés à leurs terres. De toute façon, on leur a pas proposé de pouvoir aller ailleurs. Et puis les gens, la plupart des personnes n'ont pas envie de partir, donc ils sont là et ils subissent ça au quotidien. Donc en résistant tant qu'ils peuvent. Je voulais ce que vous dire, mais en fait, bon, sinon, je vais. Il y a d'autres conséquences aussi. On a vu un petit peu dans le film une dame qui parle de l'invasion. C'est comme un état de siège en fait. Il y a des camions qui circulent sans arrêt dans le village, dans tous les sens, avec de la poussière, les roues sont défoncées. Donc les gens ont en plus l'impression d'être un sentiment d'envahissement qui est durement ressenti par des agriculteurs qui sont sur leur terre. Donc on leur a pas demandé leur avis, et voilà ce qui arrive dans ce village. Un autre problème qui est dénoncé aussi dans ces témoignages, c'est celui de la division, de la fracture sociale qui a été créée suite à l'installation de cette compagnie minière. Alors effectivement, on parle toujours, les entreprises de ce type disent qu'elles vont apporter du travail, qu'elles vont apporter du développement. Donc oui, si on regarde sur la page, le site web de l'entreprise, tout est merveilleux, développement durable, protection du patrimoine. Donc éducation, développement. Donc ce que l'entreprise a fait, c'est qu'elle a commencé à donner effectivement un peu de travail, mais aux gens qui sont d'accord. Pour ça, il n'y a pas eu d'assemblée villageoise. L'entreprise désigne, elle choisit ceux à qui elle va donner du travail, notamment une des plus grandes dirigeantes du mouvement de résistance qui s'appelle Mireille Ardiles, qui était au départ celle qui était vraiment luttée pour son village. L'entreprise a choisi de donner du travail à son fils qui est tout jeune. Donc qui au début a commencé parce qu'il n'avait pas de boulot, parce que depuis qu'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de travail. Donc souvent, soit on part du village, soit on travaille pour la mine en gros. Donc ce jeune avait choisi de rester dans le village et de travailler de manière temporaire pour la mine. Et l'entreprise minière, quand elle a appris que c'était le fils donc, du dirigeant, lui a donné des fonctions de plus en plus importantes. Il est devenu le représentant de la mine auprès des villageois. Donc on peut imaginer la fracture sociale que ça crée entre une dirigeante qui lutte contre la mine et son propre fils qui travaille pour la mine. Et la plupart des familles sont comme ça. Donc c'est l'attrait du gain, d'une certaine façon, mais c'est aussi qu'il n'y a pas d'autre alternative, sinon il faut partir du village. Et il y a pas mal de personnes qui n'ont pas non plus envie de partir du village. Donc on a un gros problème donc d'achat de la mine des gens, parce que ce n'est pas devenu du travail, c'est vraiment acheter les consciences. En leur donnant un boulot, la plupart des travaux sont temporaires. Il y a aussi des fonds, des projets concoursables. Au Chili, ça se passe comme ça, donc c'est des concours. Et donc on fait un concours, on postule, et la mine va nous donner un peu d'argent pour développer une activité productive. Il y a aussi d'autres il y a des bourses. On peut peut-être mettre là juste la fiche de... La bourse. De la bourse, puisque donc voilà, merci Europe Labre, ce qui donne aussi des bourses pour tous les jeunes qui veulent étudier en agriculture, puisque c'est un institut. Donc c'est assez paradoxal, après avoir ruiné l'agriculture du village, maintenant ils dispensent une quinzaine de bourses par an, donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir sur leur site web. Donc à ce niveau-là aussi, et puis au niveau de la santé aussi, quand j'étais là-bas, il y avait tout un débat parce qu'il y avait une ambulance qui avait été donnée par la mine. Donc au niveau de la santé, donc éducation, travail, santé, en fait on voit que la mine remplit des rôles que normalement l'État chilien devrait faire. On parlait tout à l'heure d'éducation privée, effectivement tout est privé au Chili, donc les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas étudier. Voilà, et bien le modèle de développement tel qu'il a été fait au Chili fonctionne aussi comme ça. On reçoit des bourses des entreprises privées, ce qui montre qu'après il n'y a aucune indépendance possible dans les travaux futurs. Donc ça soulève beaucoup de questions. En tout cas, donc voilà, il y a cet achat donc de la part de la mine des consciences des personnes qui divise, qui crée une véritable fracture au niveau du village. Et c'est ça que les gens ressentent de manière plus violente en fait. Hein. C'est vraiment une attaque à leur intégrité. Voilà, il y a beaucoup de, donc on trouve beaucoup de projets qui sont financés par la mine, mais qui veut dire qu'à ce moment-là, on n'a plus rien à dire. Et si on ouvre sa gueule, à ce moment-là, on ne peut plus travailler pour la mine. Par exemple, les images qu'on a vues du bassin, ça a été fait par quelqu'un qui travaille pour la mine, mais qui est un informateur du comité de résistance, mais qui ne veut pas dire son nom. Donc, il y a quand même des stratégies de résistance. Mais bon, c'est un petit peu difficile. Voilà. Donc, Donc oui, il y a aussi autre chose, c'est que l'organisation Acaïman fonctionne par groupe de comités de voisinage. Et par exemple, la mine a formé un comité de voisinage qui est à sa solde. Donc elle pénètre dans le village. Il ne faut pas voir ça comme des apports sociaux. Il y a vraiment une volonté de pénétrer dans les villages et d'empêcher que les mouvements sociaux se fassent. Donc il y a eu beaucoup de mobilisation depuis 10 ans, des occupations, des marches, une grève de la faim de 81 jours, donc 11 personnes de Caïman qui n'a pas été beaucoup reliée, qui n'a pas été tellement médiatisée, pour ne pas dire pas du tout. Et puis, donc la communauté est en lutte constante, et elle continue. L'idée, le reportage que vous avez vu fait partie d'une série de reportages qui a été tournée là-bas, donc avec la caméra, et l'idée est de continuer. Parce que la caméra, d'un côté, ça permet de témoigner, de rendre visible donc, des choses de par les villageois eux-mêmes. Et en plus, ça permet de bouger certaines choses, hein, de faire que les langues se dénouent aussi, parce que les gens sont aussi dans un peu refermés sur eux-mêmes. Donc là, ça permet de que les choses se bougent. Voilà, donc là, ici, on fait passer une pétition. Je vais un peu vite, mais on fait passer une pétition parce que donc face au procès qui devait commencer le 7 juin et qui a été reporté au 28 juin, donc c'est le procès, comme l'a dit Rodrigo, contre les avocats de la communauté et contre le dirigeant du comité de défense de la communauté. L'objectif sous-jacent de ce procès, c'est qu'en fait d'empêcher que la lumière soit faite sur tous les vrais problèmes qui affectent le village et focaliser l'attention sur une prétendue association illicite. Donc ça fait gagner du temps à la mine, parce que la mine avait elle-même un procès contre elle pour qu'on voie ses problèmes environnementaux et sociaux. Et de ce fait-là, ce procès est repoussé, on essaye d'empêcher les avocats de faire leur travail, d'intimider toute résistance. Donc c'est très grave ce qui se joue, donc on est dans la criminalisation de la protestation sociale, et ce qui se joue aujourd'hui est très grave. C'est pour ça qu'on dit toujours que Caïman, c'est pas seulement Caïman, c'est vraiment, il y a d'autres choses qui sont derrière ça, donc la spoliation des droits, donc la criminalisation sociale, aussi l'intégrité des professionnels, parce que finalement pour que les avocats résistent et ne soient pas eux-mêmes achetés par la mine, bon, c'est dur, et c'est important qu'ils puissent créer un précédent pour les autres. Patricio Bustamante, qui est venu à Marseille, lui aussi, depuis qu'il a dénoncé notamment le vol au niveau du patrimoine archéologique, il a des gros soucis, puisqu'il a des grosses difficultés pour travailler, il se sent menacé. Donc c'est pour ça, ça touche beaucoup de questions, et c'est pour ça qu'on souhaiterait qu'il y ait une ample solidarité internationale, qu'on pense que c'est important, que c'est pas seulement le destin de Caïman qui se joue ici. Donc là, vous avez, si vous souhaitez signer, donc on a lancé une campagne de signature, donc pour présenter à l'ambassade du Chili ici, et pour exprimer un petit peu la voix de la solidarité internationale et de dire que ici non plus, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Il est important que ce procès, qui va durer 2 mois, donc il va commencer normalement, le 28 juin sera la date, mais ça sera sûrement en juillet, août. Il est important que ça ne passe pas sous silence, qu'il puisse y avoir éventuellement des observateurs. Si jamais certains d'entre vous ont au Chili, c'est important peut-être d'être là-bas. Et voilà, et que l'information soit reliée ici aussi. Voilà. Merci. Vamos a apagar esto. Si vous avez des questions. Oui, c'est à vous. Preguntitas. Question. Je vais parler sans micro. Juste pour ajouter à l'information que Lavarri a donnée, il est allé chercher un exemple en Italie. En fait, il ne faut pas aller très loin. En 65, mars 1965, il y a eu un tremblement de terre au Chili, dont l'épicentre a été la ville de la Ligua et Cabildo, c'est-à-dire une vallée plus au sud que cette vallée-là. Mm-hmm. Le village de El Cobre, mm-hmm, qui se trouvait en aval d'un relave, parce que c'est ce type de... Ici, on devrait faire comme on fait dans les théâtres, hein, demander aux gens de ne pas allumer le portable, parce que c'est un peu gênant. Bien. je disais que dans ce village, le barrage qui était juste en amont s'est ouvert et 500 personnes ont été ensevelies. Ils sont toujours là, hein, ces gens-là. C'est juste au nord de la Calera. Mmh. C'est entre la Calera et la Ligua. C'est à côté de Santiago. Eh bien, il y a tout un village, le village del Cobre, qui a disparu. Mmh. Au Chili, on n'en parle plus. Mmh. Les gens d'aujourd'hui, les vieux, nous le savons, ceux qui n'ont pas été touchés par l'Alzheimer, on se souvient encore. Mais et c'est exactement le même cas de figure que vous expliquez, exactement le même. Au Chili, il y a... Le précédent déjà. Bon. Merci. Merci. D'autres commentaires, peut-être ? Des commentaires, des questions sur le sujet traité. Des idées merveilleuses pour changer ça. Il n'y a pas d'idée, mais cette histoire, par exemple, que vous dites là, à Caïman, et on peut se rejoindre à plein de choses semblables au Chili. Mm. Il y a eu un petit peu avant des barrages qu'on voulait faire dans la terre Mapuche. Mapuche. Mm. Barrage pour faire aussi de l'électricité à base d'eau. Et il y a le collège Iraïsen. Mm. Il y a des trucs, je ne me souviens plus comment s'appelle la mine, mais il fallait décaler. Pascualama. Hein? Pascualama. Pascualama. Et comme ça, on peut ajouter une certaine énorme quantité de choses. Mm. Mais le problème fondamental derrière tout ça, c'est le problème suivant. C'est à qui appartient la richesse du Chili. Mm. Le Chili, c'est un pays minier. Mm. Le principal exportateur, c'est le cuivre. Là, c'est une mine de cuivre. Quand la dictature de Pinochet est arrivée, tous les cuivres étaient nationalisés. Mm-hmm. Aujourd'hui, l'exploitation qui appartient à l'État chilien de cuivre, c'est 30%. Mm-hmm. 70% appartiennent à des groupes privés nationaux ou étrangers. Mm-hmm. Et des groupes où on demande presque 0% d'intérêt pour chaque tonne de cuivre qu'on sort du pays. L'imposition là-dessus, c'est ridicule. Mm-hmm. C'est seulement le gouvernement de droite maintenant pour payer les dégâts des terremotos, le dernier terremoto, il a mis un impôt sur les cuivres, chose qui n'existait pas. Mm. Mais il y a cette discussion. Maintenant, dans tout le monde, l'avenir pour le truc automobile, c'est le truc électrique. Mm. Chili, c'est un des plus gros producteurs de lithium, avec la Bolivie. Lithium, si on peut dire ça. Maintenant, ils ont ouvert tout de suite, le gouvernement actuel, qui viennent les capitaux étrangers pour exploiter le lithium. Mmh. Et zéro pour le Chili. Zéro. Comme quoi, tous ces gens-là sont propriétaires de la richesse qui n'est pas partagée avec les autres. Mmh. Et ils se permettent justement d'enfoncer des gens comme celui-là que vous venez de donner, Caïman. Ils vont faire le projet aussi pour aller chercher l'électricité à Aysén pour les mines du Nord. Mmh. Quand ils disent qu'on va donner du travail, mais ces mecs-là, aujourd'hui, comme disait l'amigo de la Fuente, ce gouvernement actuel, c'est le gouvernement aussi des patrons. C'est eux, chefs d'entreprise, et les propriétaires du pays, et ceux qui font les lois. Alors la loi sur le travail, on dit qu'on va donner du travail, mais c'est la merde de la loi du travail. Combien on donne à chaque personne pour le travail? On va leur donner l'éducation. On voit que l'éducation, il faut la payer. Il n'y a pas de santé. Toute la santé, c'est privé. Mm. La prévision sociale, c'est privé. À quoi le problème fondamental qu'il faut taper sur les cornes, c'est comment on fait en sorte que la richesse de ces pays soit partagée par tous. Mm. Parce qu'à la limite, comme disait une discussion qu'on a eue il y a longtemps, si jamais c'est cette communauté des Pelambres, qui c'est une minorité des Chiliens, s'il va dans le sens de faire du bien à l'immense majorité, vous comprenez que 500 personnes ou 1000 personnes qui habitent là, on peut se poser la question, on dit, bon, on va les sacrifier. Mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le cas. Parce que les autres personnes, les quelques millions de trucs qui restent, ne profitent pas non plus. Mmh. Voilà. Merci. Moi, j'anime, moi, c'est bon. Il y a là-bas qui demande la parole, monsieur Lamotta. Ok, je parle, ouais. Pour revenir un peu à la première partie du de débat et de la société, c'est pas cette histoire de problèmes écologiques. Je pense que ce n'est pas nouveau chez Chili d'avril des mineurs. Donc ces problèmes de contact, de pollution, sont des choses qui ont toujours existé, simplement que maintenant, je pense à Chuicamata, je pense à Général par exemple, simplement maintenant qu'on est pleinement conscient de la nature de ces problèmes-là. Mais qu'est-ce que je vois ici dans la région parisienne, où je suis, et quand je lis les carnets, etc., etc., c'est qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions qu'on pose, des luttes, des voies d'acheminement, on mélange un peu tout, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des revendications écologiques, des revendications sociétales, etc., etc. Et pour moi, ça me, j'ai l'impression que ça porte, il y a beaucoup de confusion, en tout cas, j'ai l'impression. Et pour trouver le fil conducteur, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est un peu perdu. C'est là ce que j'avoue. La palabra de Roberto publica, ceux qui ont quelque chose à dire, n'ont pas à s'exprimer. Hein. Bon, après, on fait les commentaires. Les jeunes, surtout, pourquoi pas. Voilà, s'il vous plaît. Moi, pour revenir à ce que je disais à ma mère, on disait qu'à Caïmans, il y avait beaucoup de. Il y avait des drapeaux noirs. Les drapeaux noirs, à Essen aussi, il y en avait. Et pour revenir à la première partie du débat, je pense que la troisième alternative que cherchent les gens. C'est pas un autre parti, c'est pas quelqu'un, enfin une autre représentation encore. Je pense que les gens, enfin, ils commencent à en avoir assez de se faire représenter. Et la troisième alternative, en fait, enfin, c'est, je dirais que c'est presque une autolution. Enfin, les gens, enfin, les gens ne votent pas pour le parti. Les gens ne votent pas parce que il y a pas de parti qui leur correspond. C'est parce qu'on en a, à mon avis, de la représentation. Ça se retrouve dans toutes les luttes, dans les mouvements étudiants. Dans les routes à Essen ou à Caïmans ou ailleurs. Il y a d'autres questions qu'on pourrait poser autre... Madame. Alors, moi, la question, c'est que la France, c'est qu'elle dit que les Français sont étudiants doivent trouver l'identité. Laisse tomber. Mais justement, c'est pas nécessaire de trouver l'identité politique, des partis politiques qui existent maintenant au Chili. Et je vois que c'est les choses partout le monde, parce que c'est pas seulement au Chili qu'il y a des problèmes sociaux, c'est partout. Et je crois que les gens, surtout les personnes pas trop jeunes, ou les personnes françaises aussi, ils sont fatigués d'écouter toujours les mêmes discours, et que c'est les discours pour les pouvoirs. Et par rapport aussi à la chose qu'a dit par rapport aussi à la conscience qu'ils ont pris, ça c'est pas prêt aussi. Et je vais mélanger tout, mais aussi s'il y a cette entreprise partout le monde, c'est pas seulement au Chili aussi, c'est parce qu'il y a la consommation. Et ça c'est la justification pour faire. Et je crois qu'on doit aussi réfléchir ça. Si les entreprises font cette chose horrible avec la nature, c'est parce qu'il y a être humain qui consomme. C'est ça aussi qu'on doit demander, on était prêts pour changer notre façon de vivre. C'est la chose qu'on doit faire maintenant aussi. Parce que, comme on dit, mais c'est aussi, c'est pas seulement de dire, ça c'est mauvais, mais qu'est-ce qu'on va faire? On change ou on ne change pas? C'est aussi pour réfléchir un peu. Pas seulement toujours discuter, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire pour changer, parce que c'est la terre qui est le. Il y a des gens qui consomment, mais surtout il y a des gens qui empochent. Hein? C'est ça le problème. C'est qui empoche. C'est pas le mec qui consomme. Le problème il est grave, il faut réfléchir parce que ce n'est pas simplement le Chili. Le problème est au Pérou, on a des problèmes pour différents pays. Et nous, les mafias économiques européennes, même italiennes, aujourd'hui la Colombie est envahie avec 9 groupes de 4 pays pour essayer d'exploiter le secteur minier. Aussi, actuellement au Guatemala, au Salvador, la même chose. Mais donc, cette invasion, cette véritable invasion des capitaux de tous les coins du monde, ce n'est pas simplement des Européens. Il y a des capitaux russes, chinois, qui sont en train d'investir, d'acheter des régions entières. Donc il faut se rendre compte que c'est une menace, et ce n'est pas simplement pour le Chili, sinon que partout, actuellement au Pérou, il y a un conflit énorme à la frontière avec le Chili, avec tout un peuple, une population entière qui s'est levée pour des projets d'exploitation de l'eau. Et comme ça, on peut continuer. Je pense que c'est un sujet à suivre, et que pendant qu'au Chili, n'existait pas un changement réel de la Constitution, on peut quand même consulter les citoyens pour savoir quel type de vie, quel type de futur, quel type de société on veut. Je crois qu'on est un peu futur. Quelle réaction ? Je voulais... Yalise ? Non, je... Pour répondre à la personne qui parlait de confusion, effectivement, au premier regard, on peut imaginer qu'on parle de problèmes sociaux, des problèmes écologiques, des problèmes économiques, etc. Et on ne voit pas forcément toujours les liens entre ces différents aspects. Pourtant, tout est dans le tout. Et historiquement, et depuis toujours, les différents groupes sociaux ont lutté pour s'approprier de ressources naturelles. Et le groupe qui s'approprie le mieux et le plus efficacement des ressources naturelles, c'est le groupe qui devient riche et qui va avoir les manettes du pouvoir et qui va essayer donc de conserver ce pouvoir et par les armes et par les lois des États. Et donc on a tout de suite là le lien entre les ressources naturelles et ceux qui s'en approprient, c'est-à-dire les couches dominantes qui vont perpétuer ça depuis toujours et pendant qu'ils le pourront. Et évidemment, avec les nouvelles technologies, il y a des espaces naturels qui étaient inaccessibles dans le temps et qui le sont aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a une technologie qui nous permet d'arriver à 4000 mètres, une technique qui nous permet de conduire pendant toute une vallée des déchets toxiques vers la mer, des moyens de transport, des moyens de communication, de chemins et des voies de communication, etc. Donc il y a une accélération de l'exploitation de ressources naturelles. Et avec cette accélération, il y a une concentration de ces ressources naturelles entre les mains des grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises qui détiennent les capitaux et qui détiennent les actions sont celles qui vont détenir le pouvoir. Piñera est un cas d'école. Et sont ceux qui vont détenir aussi les clés de la destruction ou de la protection, en l'occurrence la destruction des ressources naturelles. Bon, juste un exemple, hein. Se trouve que je le sais parce que j'ai étudié le cas et parce que familièrement j'ai pu suivre ça pendant 3 générations. Pasquale Baburissa était le nom de l'institut agricole pour lequel la minera Pelambres proposait des bourses. Mais Pasquale Baburissa est un institut qui appartient à l'OSIC, qui appartient à cette famille-là. Et d'où vient la fortune? La fortune vient d'un monsieur dalmate, croate, jugoslave, on disait dans le temps, qui s'appelait Pasquale Baburissa, qui a eu, dans le nord du Chili, des, ce qu'on appelait à l'époque des estacas, c'est-à-dire des concessions gratuites que l'État chilien donnait, surtout à des étrangers, pour exploiter un secteur de la Pampa del Salitre, pour exploiter le salpêtre. Donc les premières fortunes de Pasquale Baburissa ont été le salpêtre. Et évidemment, une autre ressource exploitée a été la main-d'œuvre, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la ressource principale, naturelle principale, que le capitalisme a exploitée, c'est la main-d'œuvre. la force humaine exploitée ou sous-payée. Bon. Et alors, ces types-là a créé un capital. Pascual Baburiz, il a acheté l'hacienda Chacabuco en Los Andes, c'est justement dans la ville de Los Andes, et il se trouve que c'est le capital de base, l'accumulation primitive, comme on dirait dans un autre langage, de la famille Lutzic, qui sont les neveux. Voilà. Donc c'est depuis 100 ans qu'ils exploitent les ressources minières chiliennes. Aujourd'hui, c'est bien plus efficace que dans le temps, évidemment. Pourquoi ça finance ? J'étais pas là à la première partie, malheureusement, mais je crois que vous avez parlé des médias à travers le monde diplomatique et la chilienne. Et je voulais savoir, malgré ça, Victor, comment peut-on faire connaître ce qui se passe en province? Parce que j'ai observé que pas mal de Chiliens qui sont à l'extérieur de Santiago ne connaissent pas forcément les luttes qui se passent dans leur propre pays, à 100 km au nord de Santiago, par exemple. Caimanes, j'ai eu l'occasion aussi de parler récemment avec quelqu'un qui avait vu quelque chose à la télévision très récemment. Mais depuis 10 ans, rien ne passe. Donc c'est vrai que le soutien ou même, comme tu disais, à propos de l'autogestion, c'est bien, ça pourrait exister, à condition qu'il y ait une autogestion collective, un soutien collectif, par ailleurs, qu'il y ait des passerelles entre les luttes des uns et des autres. Donc, les médias sont aussi peuvent faire passer ça, à travers les films, à travers les... Je pense que le monde diplomatique est lui aussi. Alors, l'article qui est passé sur les Caïmanes, est-ce qu'il a eu une répercussion? Est-ce qu'on peut le savoir actuellement? D'accord. Comment ça va? D'accord. Merci. Bon, si on commence par ça, il faut dire que la situation au Chili des médias, c'est terrible parce que. Il n'y a pas aussi, c'est un cas étonnant en Amérique latine parce qu'il n'y a aucune démocratie où, comme le cas chilien par exemple, il n'y a pas un quotidien qui ne soit pas du gouvernement, pro-gouvernement. Tous les quotidiens sont de droite et sont les mêmes quotidiens qui ont été autorisés le 11 septembre par ce qu'on appelle le décret 15, le bando 15. Qui autorisait le groupe El Mercurio, la Tercera, à sortir légalement. Et les autres étaient tous interdits par Pinochet. Bah, c'est les mêmes deux groupes qui contrôlent tous les quotidiens aujourd'hui. Ça, il n'y a aucun pays comme ça en Amérique latine. On a des concentrations de la presse, etc. Mais partout, il y a un quotidien différent, etc. Et au Chili, non. Et la situation, c'est plutôt, comment dire, les gens utilisent toutes les nouvelles technologies, évidemment, on utilise Internet, les Twitter, les Facebook, les messages, et plus que comme avant les petits tracts, mais il y a aussi des bulletins, des revues, et dans chaque secteur, etc. Nous, en tant que le monde diplomatique, on essaye de jouer un rôle d'accompagnement du mouvement. On sort une fois par mois, on n'est pas, on n'a pas une énorme capacité. Mais depuis 2 ans, on a donné la parole aux leaders sociaux. Et dans chaque numéro du monde diplomatique, il y a au moins un dirigeant étudiant, un dirigeant social, ou quelqu'un d'écolo qui est dans une lutte. Et on essaye d'accompagner. Mais on ne peut pas faire plus qu'accompagner. C'est eux qui font la lutte et nous, on soutient. On l'a fait avec le mouvement étudiant et même on a fait un livre qui s'appelle « Autre Chile possible » avec les leaders étudiants. Et à la foire du livre, on a présenté le livre, il y a 1200 personnes. Et bon, on a soutenu et justement, Caïmanes, l'article de Bustamante a eu une certaine répercussion publié par nous, parce que quand même le monde diplomatique a un certain prestige. Mais on n'est pas massif. On n'est pas capable, avec un journal qui sort une fois par mois, d'avoir un soutien énorme à tous les mouvements. C'est très limité. Et pour finir le problème de la troisième alternative. Parce que moi, je n'ai pas dit que les étudiants doivent chercher une identité. J'ai dit qu'ils sont en train de chercher une identité. Cette identité, c'est le groupe, le collectif. Et c'est des collectifs très variés. Il y a des idées de gauche, générale, et un peu d'anarchisme par beaucoup de groupes, et des idées de Gramsci, et trotskistes, etc. Beaucoup, beaucoup qui essayent de trouver quelque chose de nouvel. Et, mais ils ne sont pas encore dans l'étape d'unité avec les autres. Et quand je dis une unité, ce n'est pas forcément un parti politique. Ça peut être un mouvement large. Mais on n'a pas, comment dire, il n'y a pas une alternative qui soit, soit pour participer aux élections et essayer de les gagner, soit pour boycotter les élections et faire l'insurrection. Ou pour faire, et le seul cas que je connais, c'est le subcommandante Marco qui a dit on va faire une guérilla pour ne pas prendre le pouvoir, mais ils ont réussi à faire de l'autogestion dans une région. Et ils sont là. Ils sont là, ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup de progrès dans les communautés, mais ils ne se sont pas élargis. Il y a un énorme débat parce que cette idée de lutter mais pas prendre le pouvoir, c'était une idée des altermondialistes, attaque dans ce mouvement. Mais après, il y a eu des endroits où le pouvoir a été pris par des forces de gauche. Mettons Bolivie, Équateur, Venezuela, pour ne nommer que trois, mais il y a d'autres. Alors les gens disent, il faut lutter pour le pouvoir. Et il faut lutter aussi desde abajo. Et cette idée-là, ce n'est pas facile à faire et à donner une alternative concrète. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face aux élections? On ne vote pas, oui. Mais bon, ils vont être les mêmes. On les laisse le pouvoir aux autres. On participe, on se met dans le système, on est coopté, etc. Les étudiants ne veulent pas voter. Et c'est légitime de ne pas voter. Et le problème, c'est que comment faire aujourd'hui pour que les élections ne divisent pas les mouvements sociaux entre ceux qui vont participer et ceux qui ne participent pas, que ne fassent pas que la lutte qu'il y a s'affaiblisse à cause de ça. Et c'est très difficile parce que les élections sont un fait concret et les gens, à un moment, ils doivent soit aller voter, soit ne pas aller voter. Et si on va voter, pour qui on va voter? Et ça, c'est un problème énorme. Et c'est un problème surtout parce qu'il n'y a pas une autre force qui disent, on a la force pour ne pas voter, mais écrasons le système, que soyons beaucoup, comme on disait en Argentine, qu'ils s'en aillent tous, qu'on soit capable de faire une rébellion, une insurrection. Et Gabriel Salazar, il parle toujours de ça, mais il est loin de la réalité. On a le souhait de faire ça, mais la réalité n'est pas là. Donc, c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui. Comment faire un mouvement? Comment faire que tous ces mouvements qu'il y a partout dans le Chili, puissent trouver une issue? Soit électorale, soit pas électorale, mais au moins qu'il y ait une force capable de changer les choses. Pour le moment, il y a ce mouvement, et je crois qu'il n'y a pas dans l'immédiat cette force, mais c'est normal. Il y a un délai, les gens doivent faire leur expérience dans chaque endroit, et apprendre de chaque lutte. Et je pense que, comme j'ai dit avant, que celle d'Aysen, tout problème, mi problème, c'est vraiment le chemin pour les mouvements sociaux aujourd'hui. Voilà. Merci. Quelqu'un m'a... Oh. Alegría. Me la tomo. On pourrait faire des conclusions s'il n'y a pas d'autres questions à poser. Quand on fait la révolution, j'ai dit au les mois prochains. Il y a une question. Chez la force d'autogestion, déjà, on a parlé un petit peu du mouvement chilien, c'est-à-dire que suite à la grande crise de 2001, oui. À la grande crise au Chili, en fait, il y a eu à un moment donné des opportunités d'autogestion qui ont raté, en fait, suite au gouvernement néolibéral qui a mis en place une sorte de protectionnisme pour les grandes firmes multinationales chiliennes. Et donc, en fait, il a joué un petit peu pour essayer de garder son pouvoir, en fait, et éviter que des milieux autogestionnaires se mettent en place. Et deuxièmement, en fait, j'ai assisté par Pico Pala, en fait, au mouvement, par exemple, au Pérou, où justement il y avait les mêmes problèmes qu'au Chili, qu'en Bolivie et qu'ailleurs. Donc par exemple, je voulais savoir, par exemple, les affaires de rapprochement avec le Chili. J'aurais demandé aussi, parce qu'il y a des grandes marches, par exemple, en Bolivie, sur les étudiants, des scientifiques, des avocats qui essaient de se réunir pour se débattre le maximum de personnes pour avoir un poids. Donc il y a des grandes marches qui se passent. Au Pérou, on nous dit que comme c'est un gouvernement militaire, on va dire, un peu facho, on va dire, contrôle un peu le pouvoir, c'est très difficile pour eux de pouvoir exister, en fait, de pouvoir mettre des grandes manifestations. Donc pour le Chili, je ne sais pas s'il pourrait avoir des liens entre les différents pays, entre les différents mouvements. Transfrontalier en fait. Parce qu'à la fois l'autogestion, on dit qu'au sein des petites coopératives autogestionnaires, il peut y avoir des liens, mais qu'il n'y ait pas de lien de massif de mouvements sociaux chiliens avec le Pérou, avec la Bolivie ou avec, ou avec l'Argentine aussi. Tu veux dire ? Merci. Merci. Hello. Mais là, sur la construction. Est-ce qu'on peut, voir aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'une étape dans laquelle on était les humains sur Terre et qu'on pouvait soutirer tout ce qu'on voulait, on pouvait produire, on pouvait créer nos marchés, on pouvait générer soi-disant des richesses qu'on mesurait par la monnaie, entre autres. Et petit à petit, cette planète-là est devenue une victime de cette humanité qui ne connaît pas de limites, et que car les limites sont données par son désir, et que le désir ne connaît pas les limites, ce qui s'oppose aux besoins, car quand on a faim et on mange, voilà, on n'a plus faim, quand on a sommeil et on dort, on n'a plus sommeil, etc. Tandis que le désir, puisqu'il ne connaît pas de limites, on est capable d'aller très loin par rapport à certains désirs de possession, de contrôle, de pouvoir, notamment le désir du pouvoir. Aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle, et au niveau global, on est devenu un facteur de changement climatique. On est dans ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est nous un facteur de changement climatique. Donc dès là, il est essentiel que l'humanité prenne conscience que si elle ne change pas son comportement par rapport à la Terre, c'est simple, la Terre, elle va continuer. Daniel Mitterrand disait tout le temps, ne vous faites pas des soucis. La Terre, ne faites pas vos soucis pour elle. Mais c'est l'humanité qui va disparaître. En tout cas, telle qu'on connaît aujourd'hui. Et cette humanité-là, elle fait un pari. Et c'est le pari du salut par l'argent. Parce qu'on a de l'argent, on va avoir tout. On va être heureux. Et d'ailleurs, c'est un peu l'achat des consciences dont on parlait ma collègue. C'est de dire que c'est par ces biais-là qu'on va s'en sortir. La position économique, l'argent. Notamment dans un modèle chinois, bien entendu. Il faut, de mon point de vue, et c'est pas que moi qui le pense, vu le sommet de la Terre en 92 et puis le sommet des Rio en 2012, donc là, ça vient de finir, il a eu lieu du 20 au 22, on se rend compte que pour pouvoir contrôler cette habileté humaine, Nations Unies a une idée qu'on ne partage pas, nous, en tant que société civile, c'est que pour contrôler cela, il faut absolument qu'on inclue dans la gestion économique et tout ce qui est la gestion économique du patrimoine vivant, la nature, tout ce qui sont les services de la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise, si on prend ces principes-là, une entreprise comme le groupe Luxic, l'Ospelam, le Slaminer, dont on vient de parler, et d'autres groupes, il y en a au Chili, on peut faire un inventaire, passer des jours à en parler. Si on prend ces principes-là, toute l'utilisation de l'eau qui est faite par cette entreprise-là, tous les dommages de l'environnement auraient un coût. Un coût énorme, car ça serait considéré, ça serait valorisé, ça serait calculé, et toute destruction impliquerait que cette entreprise et autres devraient payer par cela. Mais ça ouvre une boîte de Pandore, car à ce moment-là, tout, n'importe quoi, mais absolument tout, aurait un prix. La mer, l'eau, et de façon globale. Bon, j'y ai habitué, tout un prix, on achète une rivière, on paye aussi 60 000 dollars le mètre cube par an d'eau, par exemple, Rio Copiapo, ça va jusqu'à 150 000 dollars le mètre cube d'eau. On est dans une phase de changement. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, dissocier ce qui est la question environnementale et la question sociétale, et tout particulièrement la question des droits. Car, à une époque donnée, les conflits en lien avec les droits humains étaient souvent du ressort, si je peux dire, des États. aujourd'hui, de plus en plus, les conflits en termes des droits de l'homme sont des ressorts des multinationales, d'entreprises. On est en face de l'ambassade du Paraguay qui est juste là, on accuse Monsanto de monter ce coup d'État au Paraguay. Donc on est dans une situation où l'État, vu la globalisation, perd du pouvoir face à un pouvoir globalisé qui sont des multinationales qui ont des intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux ni étatiques. Hein, vous croyez que Suez, par exemple, qui est une multinationale d'origine française, ça s'intéresse en France, principaux ? On est dans un changement. Donc, le lien entre écologie sociétale et droit est indissociable aujourd'hui. Il est très important qu'on arrive à faire le pas pour faire ces liens-là et amener les changements qui sont nécessaires. Au Chili, il y a un changement qui est, tout le monde est d'accord, le mouvement socio-droite, et même une petite partie de la droite un peu plus progressiste, c'est qu'il faut changer la constitution. Il faut changer la constitution politique chilienne. On n'est pas représentative, c'est quelque chose que bon, je ne vais pas raconter l'histoire à vous, vous la connaissez mieux que moi. Mais tout cela, pour répondre un peu à ce qu'il disait en face, c'est que dans la complexité du monde actuel, on ne peut pas dissocier environnement et droit, environnement et développement, environnement et bien vivre. Tu veux conclure quelque chose? Non, juste par rapport à ce qui était demandé aussi au niveau des luttes, moi j'ai pas tellement contesté qu'il y ait pour l'instant des liens qui se fassent entre différentes luttes, entre ce qu'il y a au Pérou et ce qu'il peut y avoir au Chili par exemple. C'est extrêmement différent, c'est très compliqué. Je crois que l'un des problèmes du Chili, c'est que c'est un pays qui est à mon avis très dépendant du modèle d'extraction des matières premières. Et en plus, il y a un système déjà généralisé, un petit peu de cooptation, puisque tout est privé. Et donc c'est très compliqué, puisque finalement l'argent vient de là et arrive dans toutes les couches de la société. Donc ça me paraît que c'est vraiment un changement total qu'il faudrait mettre en place à ce niveau-là. À Caïman, par exemple, il y a pas mal de personnes qui ne travaillent pas forcément pour Los Pelambres, mais qui travaillent pour d'autres mines. Parce que finalement, la seule source de travail, c'est, au Chili, enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est, la plupart du temps, c'est travailler pour la mine. Donc c'est extrêmement compliqué de sortir de ce modèle si pour l'instant, bon, ça touche tout le monde, finalement. Et l'autre chose, c'est les projets concursables. Et donc des projets qui sont aussi financés par les gouvernements, mais en lien avec les entreprises privées. Donc on est tout le temps dépendant. Donc effectivement, il y a du chemin à faire pour développer l'autogestion. Hein. Je pense que ça va être très long. Ce qui n'est pas le cas, je pense qu'au Pérou, ils ont plus de chances parce qu'il y a vraiment dans les villages, il y a peut-être un développement, enfin, plus d'agriculture locale et plus d'échanges, hein, qui a fait qu'il y a d'autres choses et moins de dépendance. Hein. Mais je pense que les luttes sont très différentes, mais que dans un premier temps, en tout cas, ce qui était intéressant à Caïman, parce que le 7 juin, on pensait qu'il y avait, que le procès allait commencer, ça n'a pas été le cas, mais à cette occasion-là, il y a eu quelque chose d'incroyable, il y a eu une radio, Radio Galactique, qui a transmis par Internet et puis partout, et il y a eu, c'est transformé en une sorte de fête et d'élan où là les gens de Caïman voulaient être en connivence avec les autres luttes d'extractivisme au Chili, enfin lancer un message à Pascuala mais aux autres luttes. Donc déjà dans un premier temps, unir les luttes au niveau du Chili, ça me semble fondamental. Et puis bon, après dans un second temps, il faudra avoir une manière transfrontière. Enfin, information de dernière heure, on a su que la télévision chilienne, je ne sais pas quelle chaîne, on a reçu un message, il avait interviewé le représentant de Human de Caïman et a été passé dans la télévision chilienne. Ce que les portes étaient fermées depuis des années, et nous avons l'impression que le fait qu'une délégation est venue en France et qui a participé dans un forum de l'eau, et a donné la possibilité de que les télévisions ouvrent ces antennes pour faire connaître les problèmes. Donc, aujourd'hui, il est de connaissance au Chili que le problème de la menace de mettre en prison les avocats de la communauté de Caïmanes, il n'est pas pour un petit groupe de gens, sinon il est connu partout dans le monde. Donc je voudrais simplement remercier à nos intervenants et dire un grand merci pour avoir pu quand même nous approcher un petit peu au problème du Chili qui sont aussi des problèmes d'autres pays semblables, et demander un applaudissement pour nos amis qui sont ici présents. De toute façon, je vous informe qu'il y a des livres, des DVD, et aussi, si vous intéresse, et aussi il y a une page dans laquelle ceux qui veulent mettre son nom, son email ou un téléphone, ils peuvent le faire pour pouvoir les inviter dans les prochaines activités de l'association Terre et Liberté Barnaou. Et la pétition. Et donc, il y a une pétition là. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à signer. Et donc, on essaye de réunir le plus grand nombre de signer.